Allez, on est revenu juste après cette page publicitaire hein, qui était Henri Soumba. Non, c'est pas ça ? Non, pas mon petit Henri qu'on va retrouver dans quelques minutes. Revenons plus sérieusement au rugby fédéral 2. On parlait bien sûr de cette équipe Le Saint-Jean-Royan. Mais revenons surtout sur l'ASBC. L'ASBC qui nous a proposé une belle première mi-temps. On a vu des joueurs appliqués. On sait qu'il y avait de la qualité. L'entraîneur de Saint-Jean-Royan le dit. C'est une belle formation, certes. Mais en cette fin de saison, et peut-être depuis quelques matchs, est-ce qu'on ne paye pas, et c'est la question que moi je me pose personnellement, et peut-être des supporters et amateurs de rugby se la posent aussi, est-ce que peut-être un préparateur physique en début de saison, avec un travail de fond, aurait peut-être pu pallier à ce qu'on voit à un certain moment des joueurs qui ont un peu le cap ouvert, parce qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner, et avec leur qualité, bien des fois ça ne fait pas tout. Je vais aller dans ton sens, Fred. Il me semble, moi, et on en a parlé avec certains hier après le match, il me semble, moi, que les mecs, au bout d'un moment, manquent un petit peu de coffre. Ouais, ils manquent de coffre, ça manque un petit peu de foncier. Le rugby que propose la SBC, c'est un rugby où il te faut justement avoir du coffre. C'est un rugby où il y a de l'envergure. On s'est enflammé en début de saison en disant on adore ce rugby. On a vu hier, on a vu des mecs comme Cyprien Barneron ne pas hésiter à casser des lignes. On a vu beaucoup de jolies choses. Carrier, très bon. On a vu un garçon comme Marc Mortelette qui a été juste phénoménal hier. Je l'ai trouvé très très bon, moi, ouais, Marc. Ouais. Simplement, ce jeu-là demande d'avoir du coffre, demande d'avoir des réserves. Si au bout d'un moment, au bout de 45-50 minutes, les mecs ont plus de réserves, forcément, le volume de jeu baisse. Et tu te mets à faire des conneries parce que tu manques de lucidité, parce que quand tu as le capot ouvert, tu n'as pas la ressource nécessaire pour te sortir d'un plaquage, plaqueur plaqué, etc. Tu fais des conneries et tu offres des pénalités. Donc je vais aller dans ton sens. Peut-être que s'il y avait un truc à améliorer, mais encore une fois, je porte aucun jugement. Non, simplement mon avis de consultant, appelle ça comme tu veux, oui. C'est qu'effectivement, à un moment, il va falloir l'effort de mettre un préparateur physique ou de dégager quelque chose. Enfin, la préparation physique en début de saison. C'est un travail de début de saison, ça. Il y a deux parties dans la saison où tu fais de la prépa physique. Tu fais de la prépa physique pendant l'été, avant le début de saison. Il y a un gros volume de préparation physique à faire. Tu vis avec tout le restant de l'année. Et puis, en décembre, janvier, quand là, il y a eu 5 semaines de coupure, c'est à ce moment-là que tu en remets une petite couche qui te permet d'aller au bout de la saison. Ouais. Et probablement que cette petite couche-là, elle va manquer. J'espère qu'on se trompe. Moi, je donne simplement mon avis. Moi aussi, mais je ne suis pas expert. C'est l'infirmerie qui me dit que peut-être il manquait et ça. Moi, ce qui me le dit, c'est pas tant l'infirmerie. Les blessés, c'est la faute à pas de chance. Vergne se pète, c'est la faute à pas de chance. Momo Agog se pète. Ça, c'est des grosses blessures. C'est pas simplement des blessures musculaires. Moi, là, ce qui me fait penser que peut-être il y a un problème physique, c'est qu'on a vu des mecs avec le capot ouvert. Ah ouais. On parlait du second de ligne à Tedesco hier. Lui, par contre, il se tape 80 minutes, il n'y a pas une seule baisse. Il ne s'économise pas, il vient te rentrer dans la tronche pendant toute l'après-midi, et lui, tu vois qu'il est en canne. Alors, ça veut pas, je ne suis pas en train de dire qu'à la SBC, tout le monde aurait besoin de ça, parce qu'on a vu hier Carrier ou Cyprien Barneron ou même Bariol, les mecs, ils y étaient. Mais globalement, peut-être qu'il manque un peu de travail foncier, en tout cas c'est mon avis. Voilà, parce que cette année on était parti sans préparateur physique et peut-être c'est là que... Peut-être. C'est une question... Tous les clubs s'attachent des préparateurs physiques, même si tu les as pas en permanence. Mais quel que soit le sport, regarde, on parlait du SAP tout à l'heure, le SAP a un préparateur physique quasiment en permanence et qui vient filer un coup de main, c'est Jean-Claude Amoureux. Jean-Claude Amoureux, il officie aussi à la VB, il donne des conseils à droite à gauche. Il te faut pas un préparateur physique génialissime, il te faut un mec qui te fait travailler dans les périodes où tu as besoin de travailler et qui de temps en temps vient t'en refiler une couche. Moi, je me souviens avoir travaillé avec Jean-Claude Amoureux. c'était pénible, mais au moins, eh ben, ta saison, elle se déroulait plus facilement et les matchs, tu les vivais mieux, quoi. Voilà. Et on va rester sur ça et on va parler bien sûr de Bébé Mesdour qui s'est fait un petit peu marcher dessus hier. Il avait quelques petites coupures. Ce qu'il m'a dit, ça sera à nouveau quelques marques de. Il a dit on va la rajouter. Il a dit on va la rajouter à tout ce qu'il y avait sur le visage. Mais là, il y en aura trois de plus. Je vous propose d'écouter Bébé Mesdour. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Capé Bébé Mesdour. Bébé, que s'est-il passé dans ce regroupement? Tu es un petit peu marqué, quoi. Un peu hors jeu et je pense que je me suis pris un crampon dans l'œil, donc une marque de plus au visage. Ouais, ce match qui aurait pu peut-être pour vous sourire, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Match qui a été bénéfique au début, mais on n'a pas su concrétiser dans nos temps forts. On devait marquer, je pense, courir assez rapidement sur nos temps forts. Et autour de la mi-temps, on y a cru, mais ils ont mis le. Ils ont passé la seconde, on ira. Tu sens encore des phases finales, tu connais ça, tu connais ce refrain qui enchante un petit peu les stades. Oui, les phases finales, on va les faire, c'est sûr. Après, bon, ça aurait été bien de gagner ici pour se placer second et laisser voir venir la fin du championnat tranquille. Maintenant, je pense qu'on va prendre 10, si je ne me trompe pas. Donc, un match aller, un match retour qui s'annonce déjà à l'échange, je dirais, pour nous les joueurs et un challenge pour nous et pour les supporters. Merci. Voilà, c'était Bébé Mesdour. Eh bien, tiens, on va emboîter, parce que tu as eu le président. Il n'était pas des plus remontés. Il était positif, parce que c'est vrai que ces garçons auraient pu peut-être l'emporter. Faut dire ce qui est. Allez. Le président de la SBC, Philippe, que retenir de ce match aujourd'hui? Une très belle première mi-temps. Les joueurs sont en place et tout. Et je ne vois pas un moment quand c'est qu'ils peuvent nous inquiéter. À part qu'on ne score pas, on manque que deux essais en première mi-temps, 4 contre 1. Et pareil de l'autre côté, côté fermé, 3 contre 1. Donc ces deux essais nous coûtent cher parce qu'on aurait pu tuer le match en première mi-temps, puisque vu qu'on dominait de partout. Et voilà, il y a eu une mi-temps pour chacun. La seconde mi-temps, on n'est plus la même équipe. On n'arrive plus à se situer sur le terrain. Donc tout le monde veut faire la sienne. On court après le score et je veux dire, tout le monde s'éparpille et ça m'énerve un peu. Mais bon, je retiendrai qu'on a fait une très belle première mi-temps. Comment tu expliques cette baisse de régime, Philippe, en seconde mi-temps? Parce que les joueurs sont les mêmes et d'un coup, effectivement, comme tu le dis, on ne reconnaît plus les gars qui avaient été si bons en première mi-temps. Ben, disons que c'est pas une baisse de régime, c'est que les mecs se sont filés et il manque de jus. Donc quand tu n'arrives plus à te situer sur le terrain et que tu n'es pas en place, eh ben, tu cours de partout et tu tues encore deux fois plus. Et déjà que tu es fatigué, si tu n'es pas en place sur le terrain, tu peux que subir. Voilà. Voilà, je crois que le président est lui aussi un fervent joueur de rugby. Il connaît un petit peu les rouages et le travail qu'il y a. Bon, il peut être déçu. Il peut être déçu, c'est vrai, pour la première mi-temps, il peut être déçu. Au regard de la première mi-temps, oui, il peut être déçu. Au regard de ce qu'on a vu ces dernières semaines, après, il faut pas oublier d'où on revient aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est une défaite de la fille. Ce match-là, si tu le joues début février, tu en prends 40. Là, le match de la semaine dernière a fait beaucoup de bien. Ouais. Le match de Nice a fait beaucoup de bien. Ça a permis de remettre les mecs. Après, bien sûr que c'est décevant de perdre. Ce qui est le plus décevant, et on en a parlé tous les deux à maintes reprises, c'est de regarder le classement et de se dire que hier, Carqueiran a 9 points de bonus depuis le début de la saison. Château-Renard, 5 points de bonus. Saint-Jean-Royan, 6 points de bonus. Et il le disait tout à l'heure. Nice, 7 points de bonus. Bédari de Château, 3 points de bonus. Si le classement... Si le classement, tu le prends et que tu rajoutes ne serait-ce que 4 points de bonus, eh bien 39 et 4, 43, tu passes devant Saint-Jean-Royan et tu peux te permettre de te poser la question si tu ne pouvais pas aller chercher Château-Renard. C'est ça qui est décevant. Ouais, tout à fait. Alors on a vu hier les joueurs de la SBC qui étaient sûrement conscients de cet état de fait parce qu'ils font 5 minutes capot ouvert mais avec un mental terrible et ils inquiètent Saint-Jean jusqu'à la fin mais... ils auraient pu prendre un petit point de bonus, ça n'aurait pas changé le truc. Il fallait prendre des points de bonus tout au long de la saison peut-être et ça ne serait pas retrouvé dans cette situation-là. Mais c'est un sujet qu'on a déjà abordé à maintes reprises.